some green shit. 666 with a fist in the sky. So I'm just trying to live till I die. Get my bit of the pie. I'm shaking out the demons. Can't escape without believing. Je m'entends pas. Et tout de suite sur Radio Duo, c'est qui ou quoi ? Sur Radio Dio, une demi-heure, une heure ou plus ou moins, enfin toujours en retard de toute façon, pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Alors, bienvenue dans Qui ou quoi, dans la cinquième année de Qui ou quoi. Donc c'est toujours Axel aux manettes de l'émission qui vous parle de livres et plus sur Radio Dio. Mais on n'est plus du tout au même horaire. Avant on était le jeudi de 9h à 9h30 voire plus après Ghetto Vibes. Une semaine sur deux, et bien maintenant ça a changé, on est une fois par mois à 22h en rotation avec d'autres émissions. Il y a Love Love Love, il y a Comme à la Radio Dio et une nouvelle émission sur les cultures italiennes dont j'ai oublié le nom, Honte sur moi, et j'espère qu'ils me pardonneront. Donc on n'est plus sur le même rythme, on n'est plus sur la même durée, hein, donc l'émission normalement est censée durer un petit peu plus longtemps. Et donc on est forcément plus sur le même contenu. Enfin, si en fait on est plus sur le même contenu, on est sur le même contenu, mais cette année on va tirer tous azimuts et surtout on va rien se refuser. Tout ça pour dire que donc on fait comme d'habitude pour commencer. Donc on commence en retard, ça c'est bon, c'est fait, check. Et on va parler de livres et de livres. Et de livres et de livres. Mais il y a quand même ce soir une nouveauté. C'est parce que je ne suis pas seul. Donc, j'ai un nouveau compère. Enfin, nouveau, moi je le connais depuis longtemps, mais il est nouveau dans l'émission. Il s'appelle Benjamin ou l'Arpenteur, un des deux. Alors, est-ce que c'est une nouveauté ? Parce que moi, je n'ai jamais fait non plus. Est-ce que tu nous entends, Benjamin ? Je vous entends. Ah, il nous entend. Il se trouve que j'ai aussi une stagiaire avec moi, et donc j'arrête pas de la regarder. Et là, elle entend rien du tout. Moi, j'entends dans le casque, mais elle entend pas ce qui se passe à l'antenne. Peut-être ça va être pratique. Voilà. Et donc, elle n'a pas entendu que ça marchait parce qu'en fait on est en retard parce qu'on a essayé de caler tous ces trucs là, voilà. Il fallait appuyer sur on au bon endroit, il fallait monter le bon volume, etc., etc. Mais donc tout marche, donc je suis content. Donc voilà, donc tu m'entends, Benjamin ? Je t'entends. Bien, alors donc tu vas nous faire une chronique régulière dans l'émission. Alors, moi, j'avais noté dans mes notes que tu étais en fait issu du comité d'écoute bourbonnais de l'émission, était au tout départ composé de deux personnes, mais il y en a une des deux qui a lâché, qui a lâché l'affaire. Et donc, toi, tu es resté fidèle au truc, à toujours me faire des réflexions fort pertinentes après chaque émission. Et je t'ai proposé de venir de faire un peu des chroniques et tu as répondu présent. Donc, bienvenue dans l'émission et bienvenue dans cette première de la cinquième saison. Merci. Ce soir, on a une thématique. Hein. On s'est un petit peu entendu. Enfin, la thématique, c'est moi qui l'ai un petit peu apportée. C'était des livres sur la musique, parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Donc ce soir, c'est pas des grosses nouveautés. Enfin, le tien, je ne sais pas si c'est une nouveauté. Non, pas tant que ça. Il a déjà bien 3 ans. Ah, bien 3 ans. Bon, bah pareil, quoi. C'est tous des livres qui sont sortis avant la pandémie, je crois. Bon, de toute façon, pour moi, en tout cas, les deux livres dont je vais vous parler ce soir, ce sont des livres qui étaient dans la pile de livres qui étaient à côté du lit depuis donc un petit moment. Moi, ce soir, je vous parle d'un livre sur NTM, d'un livre sur le Hellfest, et toi, tu vas nous parler d'un livre sur le label Tricatel. Eh bien, tout ça, c'est maintenant dans Qui ou quoi. Alors, c'est moi qui vais commencer et je vais vous parler du livre NTM. Il s'appelle NTM tout court de Guylaine. Alors, j'arrive pas bien à dire son nom, de Guylaine Guéquière. Voilà, alors pour vous décrire un peu le livre, c'est ce qu'on appelle un beau livre. C'est-à-dire que c'est un grand livre noir qui sort du format classique des livres brochés, des romans et autres. Et autre livre de poche, donc un peu plus grand avec un beau papier glacé. Et en fait, ce livre il retrace l'histoire du groupe NTM à travers des photos et des interviews de l'entourage du groupe. Alors, allez savoir pourquoi, moi je l'ai mis justement à côté de mon lit, parce que je devais être dans un mood d'avoir envie de lire du NTM. Bon, je vais vous situer un petit peu mon rapport au groupe, parce que c'est pas non plus pour rien que je vous en parle. Il se trouve qu'NTM, moi, je connais depuis longtemps. Au collège, je connaissais par cœur leur morceau sur la compil Rap Attitude, qui s'appelle Je Rap. Et mon meilleur copain de l'école, quelques mois plus tard, avait acheté même la cassette de titre du Monde de Demain. Donc tout ça, ça en dit pas grand-chose, à part que ça dit mon âge. Donc je vous laisserai calculer en allant voir sur Internet quand est-ce que c'est sorti tout ça. Et ça dit aussi un peu que j'étais fan, mais ça n'a duré qu'un temps. Et même si j'ai suivi leur ascension après le premier album, moi j'avais déjà choisi mon camp. Moi c'était plus Assassin et IAM, et donc j'ai laissé de côté NTM. Bon, on pourrait parler longtemps de la différence entre ces groupes. Voilà, IAM, NTM, etc. À l'époque, ça faisait grosse polémique et puis ça divisait. Mais bon, toujours est-il que NTM, en tout cas le groupe, il est là. Ils ont sorti plus d'un classique, ils sont presque devenus des légendes dans l'histoire du rap français. Et ce genre de légende dont on fait des livres. Et donc, comme une fois tous les 20 ans, j'ai envie de m'y replonger et d'écouter du NTM, et bien là, pareil, j'ai eu envie de lire ce livre. Donc, à l'origine de ce livre, il y a Gaël Guéquière, qui est journaliste photographe spécialisé dans les photos de concert. Alors, il semblerait, moi je ne connaissais pas son nom, il semblerait que c'est une pointure. Elle les a tous pris en photo, hein, des Rolling Stones à Madonna, en passant par Lenny Kravitz et autres Bruce Springsteen, bon, qui ne sont pas du tout dans le rap, hein, on remarquera. Mais donc, NTM, elle les a connus très très très très tôt et elle a eu la chance de les suivre depuis leur début. Donc tout ça, bah, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est écrit dans le livre. Et donc, des photos d'NTM, eh ben, elle en a plein, du début à la fin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, hein, l'idée du livre, c'est d'abord de publier ses photos. Donc ça, c'est bon, hein, dans le cahier des charges, c'est rempli, des photos, il y en a plein. Et ensuite, toutes ces photos sont saupoudrées d'interviews de personnes qui ont participé à l'aventure NTM. Mais alors, surtout pas les musiciens, un tout petit peu les DJ, mais pas tous, quoi, c'est juste certains. Mais donc il y a les musiciens, le tourneur, les demi-frères, il y a deux demi-frères de Joey Starr qui sont interviewés, le manager, le responsable de la com, le réalisateur de clips, etc., etc. Tout ça retrace donc petit à petit l'histoire du groupe, de la naissance au dernier concert d'NTM, il y a 2 ans, en passant par la reformation, etc., etc. Donc voilà, c'est un beau livre, hein. Il y a une belle couverture noire avec juste écrit NTM dessus, une belle maquette, les photos comme j'ai dit, bon, bah, elles sont plutôt belles, enfin chacun ses goûts. Il y a un peu de contenu, mais est-ce que tout ça fait un bon livre ? Bah, en fait, pour moi, non, pas du tout, parce que on est quand même sur une bonne vieille hagiographie. Alors il se trouve que j'étais pas sûr de mon coup, j'ai dû regarder dans le Larousse, quelle était la la définition, et donc le Larousse dit une biographie excessivement embellie. On n'en est pas loin quand même. Bon, c'est un peu méchant parce que c'est pas excessivement embelli, mais c'est un peu tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils sont un petit peu chiants, l'entourage les trouve un petit peu chiants, Joey Star et Cool Shed, mais ils sont tellement de charisme, ils sont sûrs d'eux, ils ont révolutionné le game, et vas-y qu'en fait, ils sont peut-être chiants, mais en fait ils sont un peu rigolos, et puis oh là là, qu'est-ce qu'ils travaillent bien, vraiment quelle force de travail, c'est des bosseurs, etc. etc. En fait, ce qui ressort de toutes ces interviews, bah, c'est que c'est un peu creux tout ça, ça manque de profondeur, ça manque de vie et d'incarnation. Et sous des dehors un peu rebelles, parce que c'est quand même NTM, hein, on sait tout ce que ça veut dire, et ben au final c'est extrêmement lisse. Alors, c'est vrai qu'il y a fort longtemps, j'avais lu la biographie de Joey Starr qui était sortie avant la reformation du groupe. Et là, pour le coup, bon, c'était pas un très grand livre, mais Joey Starr y réglait pas mal de comptes, et surtout avec Cool Shed. Donc, je sais pas pourquoi, je m'attendais à un truc un peu plus. Un peu plus authentique, c'est le cas de le dire, un peu plus humain et un peu plus honnête en fait, parce que malgré tout, à force de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, on se demande si c'est vraiment honnête. Mais c'est vrai que ben, pour le coup, le parti pris de ne pas interroger les artistes, même s'il est intéressant, fait que ben, il manque forcément quelque chose. Il reste donc les photos, mais bon, moi je suis pas un très grand fan de photographie, je vous avoue, donc ça me parle pas outre mesure. Et la grosse question qui ressort, enfin qui moi m'a de toute façon toujours interloqué, c'est comment Joey Starr a eu l'idée de mettre un masque de ski et de se dire que c'était cool et que c'était vraiment la pointe de la mode pour faire des concerts, parce qu'il y a plein de photos où il a ce fameux masque de ski, c'était à la fin des années 90. Voilà, donc pour résumer, c'est en fait de manière pas trop négative, hein, donc moi, ça, clairement, ça m'a pas plu. Je trouve que c'est un vrai livre de fan, et en fait, j'ai jamais été assez fan d'NTM pour qu'aujourd'hui ça me parle, mais bon, au final, ça m'a quand même donné envie de réécouter, et est-ce que c'est pas ça l'essentiel ? Les gens mettent tout le monde dans le même sac. J'ai honte de dire que je rappe. Accroché au game par des chaînes, les rappeurs font les chiennes. T'attends pas à ce qu'on se comprenne. Pro, faut qu'on termine vite les couplets avant que le championnat reprenne. Après on m'attrape une sport, on sera dehors, on fait pas l'effort, on est fort, on sait pas comment on fait pas exprès. On leur envoie les excréments, extrêmement, c'est excellent. Un social club, c'est le premier extrait. On était prêts quand ils ont décrété la fin des sourires sur les photos d'identité. Ça ne demande pas de talent exceptionnel, mais il y a des experts parmi les nôtres. On a appris depuis qu'on a pu naître à garder cette expression neutre. Je me demande plus en quoi ça ne les dérange pas en soi, que soit le dernier à croire en toi. Nous on vient des mêmes endroits où l'usine te vire, l'école te renvoie. Vas-y gros, à plus tard, on se retrouve à Pôle emploi. On fait encore dans l'artisanat, tout comme la bande de Gaza. Vu qu'on a pas de projet spécial comme la NASA. Tu connais le zebla, les propos, le style, la manière. Puis la bannière, c'est la social club, la putain de ta mère. C'est clair, pas de main en l'air, je laisse ça pour le poulaga. Je préfère attaquer à la jugulaire comme a fait la gars. On fait ça en grand, on fait pas semblant, ça va être sanglant. Avis à tous les bouffeurs de blanc. Écoute, j'ai pris mon temps, puis j'ai planté des clous. Histoire qu'il y ait du dégât, mais surtout du dégoût. Oui, l'avenir est fou, que des soucis. Rap en sursis, au point sur les photos de froncer les sourcils. On arrive sur la pointe des pieds, si on se touche le nez à la Bruce Lee. Avant de te dire salut le beat on salit. Pupus, pour la Saint-Valentin j'appelle Oscar Pistorius. Pour le rayon du fond j'appelle Virus. Attention au tournant, par des keufs refoulés. Ferait mieux de se reposer au lieu d'essayer de nous cerner. Même ceux dont personne ne veut ne veulent pas de toi. Fais pas croire que tu viens de pisser après avoir tiré la chasse deux fois. Tous ceux qui se en secret, on les connaît. Tu me diras, ça leur apprend à respirer par le nez. Ils ont le stress, on a le trac. Bien sûr que ça laisse moins de traces. Quand c'est les médias qui te matraquent, on peut pas lutter. Y'a des concerts et des concertés. Quand leur public veut boire une bière, on lui demande sa carte d'identité. Toujours trouvé suspect cette façon d'attendre de nous qu'on soit des éduxpés. Pas plus tard qu'hier, on en parlait avec Kazé. c'est une forme de succès d'assister à son procès. Pourvu qu'on récidive, quand on t'invite nulle part, on finit par te convoquer, faut bien dégager qu'on les lieux, vider les assiettes, c'est fini la fête. On vient dans ton périmètre, libérer la bête. On manie la patte, aujourd'hui dites-lui qu'il arrête. Ton disque, mon quintet sans table, s'en fout qu'il achète. Et pour tous les fins connaisseurs qui terminent leur phrase par le rap, tu sais ça fait peur, c'est l'usine à gaz. Et meilleurs sont les spectateurs sur les scènes de jazz. Dites-leur que des nègres en sueur ont quitté la case. Quant à ceux persuadés de tout niquer, qu'on ne voit uniquement et réellement qu'à l'écran, totalement paniqué à l'idée de se montrer, tu comprends. Grande baltringue et bon communicant, malgré les cas possibles, oublie la fantaisie. Un brasier, un fusil et tes os comme fusil. Y'a pas d'issue plausible, tu veux l'anesthésie, tu souhaites une fin paisible, tu ne connais pas Cosy. Asocial Club, Asocial, Asocial Club, Asocial Club, Asocial, Asocial, Asocial, Asocial, Asocial Club. C'était la Social Club avec le morceau La putain de sa mère. On est de retour sur Radio Dio dans Qui ou quoi, dans donc l'émission mensuelle maintenant qui parle de bouquins et autres sur le 895. Alors Benjamin, est-ce que tu nous entends toujours ? Toujours. Bien. Alors, comme il paraît que la musique de fond est toujours un peu trop forte, je corrige la chose et je vais te laisser le micro pour que tu nous parles donc de ce livre sur le label Tricatel qui s'appelle Tricatel Universalis. Tricatel Universalis, tout un programme. Eh ben vas-y. Alors juste avant ça, je vais me permettre une petite parenthèse. On a pu, enfin, Cazet était invité de l'émission à l'air libre sur Mediapart à 19h. Cazet fait partie de la Social Club, donc on vient d'écouter. Donc voilà, si jamais par curiosité vous voulez aller jeter un œil dessus, ça doit pouvoir être intéressant, ça doit pouvoir se retrouver en replay quelque part. Voilà, c'était la parenthèse Cazet. Tricatel Universalis, donc. C'est un bouquin que j'ai acheté un peu par hasard parce que je l'ai trouvé dans un bac en solde de livres d'occasion. Donc il a dû me coûter à peu près 3€. On n'est pas tout à fait dans le format beau livre dont tu parlais tout à l'heure, Axel. C'est un peu plus petit, mais effectivement, on n'est pas dans un bouquin broché de type roman ou quoi que ce soit. Donc je retrouve pas mal de choses que tu as pu dire sur le livre NTM. Mais donc voilà, tout simplement, je suis pas un grand spécialiste ni un grand fan de ce label, Tricatel, et c'est un peu pour ça que je me suis permis cet achat. C'est un label qui est fondé et dirigé par Bertrand Burgala. Et les deux, le label comme son créateur, on m'intrigue depuis pas mal d'années. Burgala, j'en ai entendu parler la première fois sur un album de Jade Vio. Donc là, c'est pareil, ça nous situe tout de suite. Il y a déjà quelques décennies, l'album s'appelait Fleur de métal, et dessus il jouait, il faisait les arrangements, il faisait la prod, et voilà, c'est un album que j'ai quand même beaucoup apprécié à l'époque. On l'a retrouvé un peu après avec Catherine, toujours sur des histoires de production, des choses comme ça. Donc voilà, moi c'est par ce biais-là que j'ai connu Bertrand Burgala. En plus, il a un look très reconnaissable, ce qui fait que quand on lit un peu la presse musicale ou des choses comme ça, on le remarque toujours assez vite sur une photo. Donc ce qui fait que même sans trop le vouloir, on suit un peu son parcours. Mais j'étais jamais vraiment allé au-delà de ça, même si j'avais dû écouter son premier album qui date de 2000, qui doit s'appeler The Sound of Music. Donc, ce bouquin, je l'ai acheté parce qu'il y a quelques noms à l'intérieur qui me sont connus et que j'apprécie. Même si celui de Philippe Manœuvre qui signe la préface n'en fait pas partie, voilà, il y a quand même des gens qu'on voit pas forcément citer toujours. Donc c'était un peu l'occasion. Maintenant que je vous ai parlé du comment, du pourquoi j'avais acheté ce livre, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Bah, c'est vrai que comme je te disais, Axel, on retrouve un peu les écueils dont tu as pu parler. Là aussi, on a pas mal de photos, ce qui est pas forcément désagréable en soi. Au contraire, j'ai particulièrement apprécié des photos d'un jeune Bertrand Burgala, âgé d'une quinzaine d'années, assis derrière un clavier avec un costard ne pape, en train de jouer parmi d'autres musiciens sapés comme lui en costard ne pape, sauf qu'ils ont des têtes de daron. Donc ça, c'est assez éloquent. En fait, je trouve que ça en dit quand même pas mal sur l'avenir musical du garçon. On apprend forcément un peu de choses sur Burgala, hein. C'est un peu le passage obligé, on retrace rapidement ses jeunes années, on apprend que son père est préfet, que son premier grand choc musical, c'était Pink Floyd en concert en 74, il doit avoir une dizaine d'années lui à ce moment-là, qu'il a eu l'occasion, qu'il a vécu à Londres à l'âge de 15 ans, il est parti tout seul à Londres pour suivre ses études, etc. Voilà, ça c'est vraiment pour ces jeunes années, et puis donc le groupe de jazz avec les darons en eupape, là dont je parlais tout à l'heure. Je me souviens quand j'ai acheté ce bouquin, je t'en avais informé Axel et t'avais émis quelques réserves sur Burgala pour ses incointances de jeunesse avec l'extrême droite, et quand on a eu l'occasion d'en reparler, tu me demandais si c'était mentionné dans le bouquin, et il me semble que c'est très très rapidement mentionné. J'ai même pas su retrouver à quel endroit c'était, donc s'il y a des gens qui s'interrogent là-dessus, la fiche Wikipédia de Bertrand Burgala est autrement plus vous renseignera autrement plus sur les accointances de Burgala avec l'extrême droite. Moi, si je devais caricaturer un peu la chose, ça me fait un peu l'effet d'un jeune giscardien qui fricoterait pour s'encanailler et qui se prend un peu au jeu. Voilà. Puisqu'il a même collaboré à une revue qui était quand même franchement pas nette, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, le parcours musical de Burgala, à titre professionnel, il passe notamment par la collaboration, une fois de plus, avec un groupe, avec les provocateurs du groupe Leibar, qui est un groupe indus slovène. Il a beaucoup joué avec l'esthétique fasciste, pour pas dire nazie, et je pense que ça rajoute un peu plus à cette espèce de trouble autour du passé de Bertrand Burgala. Mais de ce travail avec Leibar, il en a rencontré les dirigeants de Mute, parce que Mute était, Leibar était signé chez Mute. Mute, pour les gens à qui ça ne parle pas, c'est un label anglais. Qui a signé Depeche Mode, qui a eu Nick Cave and the Bad Seeds, And Sure Some Night Button, John Spencer Blues Explosion, enfin, il y en a un sacré paquet, même Ian Tiersen a été chez Mute. Et Mute et son fondateur Daniel Miller, on en parle beaucoup dans les pages de ce bouquin, parce qu'il semblerait qu'il y ait une espèce de communauté d'esprit et de respect mutuel entre Daniel Miller et Mute et Tricatel et Bertrand Burgala. Voilà, donc on passe assez rapidement sur sa jeunesse. Ensuite, on nous parle un petit peu des débuts du label, là aussi, le pourquoi du comment. En gros, Burgala lance ce label en 95 pour se donner l'opportunité de faire sa musique. Il comprend assez vite qu'elle n'a pas forcément sa place dans l'industrie musicale traditionnelle, on va dire. Et il souhaite aussi permettre à d'autres musiciens, un peu musicalement en marge, il souhaite permettre à ces musiciens-là d'avoir aussi un lieu où exister. Et donc ça sera le début de Tricatel. Moi, c'est là que ça commence à m'intéresser. Dans le sens où on parle un petit peu de la vision d'un label par Burgala, qui rappelle un peu ce qu'ont pu être la Motown ou la Stax ou plus proche de nous, Daptone Records, à savoir un label, c'est aussi un studio, c'est aussi un groupe résident ou en tout cas des musiciens qui sont là pour enregistrer avec les différents artistes du label. Et là, on retrouve un peu ce truc-là, puisque Burgala lance un studio d'enregistrement, et puis un jour, il propose à Michel Houellebecq d'enregistrer un album, et pour ça, il va réunir des musiciens qui vont former un groupe et qui va s'appeler AS Dragon. Et AS Dragon, en fait, ils vont tourner avec Houellebecq, ils vont tourner avec Burgala. Ils vont également avoir leur vie propre au sein du label quand ils auront recruté une chanteuse qui s'appelait Natacha. Voilà, donc il est dans ce truc-là, et moi je trouve ça plutôt intéressant, ce côté do it yourself, c'est peut-être beaucoup dire, mais cette unité dans la volonté d'avoir un label. Un label, c'est une esthétique. L'esthétique d'un label, elle passera aussi par l'enregistrement, par des musiciens, etc. Donc je trouve ça plutôt cohérent. La naissance d'AS Dragon, là, donc ce groupe résident, c'est l'occasion pour nous d'apprendre ou pas que Houellebecq n'est pas un gars extrêmement sympathique, qu'il est obsédé par le cul et qu'il va aller même jusqu'à planter les musiciens d'AS Dragon en les laissant monter seuls sur scène, parce que lui, il a des centaines de kilomètres à la veille d'une partouze dans laquelle il a trop picolé. Enfin bref, ça n'a pas forcément été une grande expérience pour tout le monde. Mais j'avoue que Houellebecq, pas forcément sympa et un peu obsédé, c'était pas une grande nouveauté. C'est pas un truc que j'ai franchement appris en lisant ce bouquin. Et il y en a des choses qu'on va apprendre en le lisant, mais ça reste assez anecdotique. Comme pour le bouquin sur NTM. On a des gens qu'on vient interroger un petit peu sur ce qu'ils pensent de Burgala, sur ce qu'ils pensent de Tricatel. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, Burgala, il est bien cool, il est bien sympa. Tricatel, c'est bien cool, c'est bien sympa. On a un peu l'impression d'une redite. C'est quand même relativement survolé. Enfin, au moment où le livre sort, le label a un peu plus de 20 ans, donc on pourrait s'attendre à un truc un peu plus fouillé, un peu plus profond. Ceci dit, voilà, ça reste sympa. On apprend que Tricatel a été quand même relativement populaire au Japon. J'ai pas mentionné un truc, c'est que Tricatel, c'est le méchant dans L'Alouette Cuisse, le film de Claude Zidi. Mmh. C'est ce gars qui va faire de la bouffe industrielle que le film est censé dénoncer. Donc il y a une ironie un peu derrière ça qui est assez rigolote de la part de Burgala. Ce que je peux dire de plus, sur l'organisation du bouquin, on a effectivement une espèce de chapitre sur Burgala, une espèce de chapitre sur Tricatel, et puis après on passe un peu aux gens qui ont été importants dans le label. Donc on peut citer Valérie Lemercier, qui était la compagne de Burgala et qui chante sur le premier album sorti par Tricatel. Valérie Lemercier chante sur lequel il y avait le fameux Goûte mes frites. Voilà, je dis fameux, moi à l'époque j'étais pas forcément fan, mais je crois que je le suis pas toujours, mais l'esthétique de l'album était rigolote. On était dans une espèce de pop fin 60, début 70, à la française, quand on pense à des gens comme André Pop, qui est cité dans le bouquin comme étant une influence importante. Moi, la musique de Burgala, et globalement, je me suis un peu replongé dans la musique des artistes du label. Bon, ça pourrait fonctionner, et en même temps, il y a toujours un truc qui me laisse un peu de côté. C'est vrai que j'aime bien l'esthétique, j'aime bien, je pense, en fait, surtout sa production et le son qu'on entend chez Burgala, qui est assez, moi, qui me rappelle un peu ma période où j'écoutais pas mal d'Exotica et de choses comme ça, des gens comme Nino Nardini ou Yanko Milovic, Roger, une espèce de scène française comme ça des années 70 qui faisait des trucs un peu qu'on a pu qualifier des e-listening, mais qui sont un peu plus intéressantes que ça quand même. Voilà, donc parmi les gens du label, on a, Valérie Lemercier, on a April March. Alors April March, pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'ils ont au moins entendu sa version. Elle a repris pas mal de standards des yéyés français. Laisse tomber les filles, ouais, c'est ça. C'était Chica Beat, je crois, sa version. C'est un disque où il y a une face. Voilà, je fais mon érudit. C'est un disque, il y a une face où elle fait les reprises de France Gall. Ouais. Et en anglais sur une face sur l'autre face en français. Voilà. Ok. Mais c'est pas chez Tricatel. Non, non, ça c'est pas chez Tricatel. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, la partie d'April March chez Tricatel, finalement, c'est celle que je ne connaissais pas. Je connaissais ce qu'elle avait fait avant. Alors si, voilà, ça m'a permis d'apprendre que April March, en fait, c'est une descendante de William Blake, le poète américain, et que cette fille a bossé avec Steve Ditko, un des dessinateurs de Spider-Man, parce que visiblement, elle dessine aussi très bien, en plus d'être une bonne musicienne. Voilà, donc je disais April March, Chassol, je sais pas si ça parle beaucoup. Chassol, c'est un gars qui notamment a une sacrée érudition musicale, à tel point qu'il a sa petite chronique sur France Musique, je sais plus quand est-ce que ça c'est. On a donc Houellebecq, on a les Shades, on a Ingrid Cavan, qui est une actrice qui a notamment tourné beaucoup avec Fassbinder. Enfin voilà, plus proche de nous, il y a le collectif Catastrophe, qu'on entend un petit peu ces derniers temps. Et puis, même s'il n'est plus chez Tricatel, il y a eu Étienne Charry. Peut-être qu'Axel peut nous en dire quelques mots, parce que je sais que tu l'aimes bien. Est-ce qu'il y a un chapitre sur lui dans le livre ? Ouais. Il y a, un chapitre, c'est beaucoup dire, mais à chaque fois, Chassol va avoir quelques pages qui lui sont consacrées. Charry, tu vois, il a quand même quelques pages, tiens. Au final, dans tout ce que tu dis, parce que donc moi, j'ai jamais aimé Tricatel, ça me serait jamais venu à l'idée de lire un livre sur Tricatel, pour le coup, parce que c'est vraiment limite, je les aime vraiment pas du tout, quoi. Et donc, vraiment, je trouve ça intéressant que t'en parles. C'est vrai que quand t'en parles, pour le coup, t'as presque l'impression que c'est intéressant, mais concrètement, les groupes, tu vois, j'arrive même pas à trouver des mots, mais en gros, Tricatel, c'est le groupe. Il fait plus de la musique pour ses potes qui sont critiques. Je sais pas comment expliquer différemment, mais tous les critiques adorent. Mais en vrai, c'est un peu pénible à écouter. Et je trouve de tous les disques Tricatel, c'est un peu comme ça. Sauf Étienne Charry qui trouve grâce à mes yeux. Parce que Étienne Charry, c'est l'ancien pote de Michel Gondry, qui est donc vidéaste, réalisateur, un monsieur que j'apprécie énormément pour sa créativité. Et il jouait dans un groupe ensemble qui s'appelait Oui Oui. Et il se trouve que quand le groupe a arrêté Oui Oui, ils sont chacun partis de leur côté. Michel Gondry avec le succès en créant plein de clips de son côté. Et Étienne Charry, lui, par contre, est resté en mode artiste. Je sais pas comment expliquer différemment. Moi, je l'avais vu sur scène. Il jouait avec des robots. Je l'avais vu une autre fois où en fait. C'était complètement fou. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est un monsieur qui a une créativité mais débordante. C'est un des premiers que j'ai vu qui faisait des siestes musicales à Paris pour le festival en été. Là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Enfin bon, vraiment un monsieur qui gagne à être connu, mais qui fait son truc dans son coin et sans souci de rencontrer forcément un public, en tout cas, mais vraiment, il faut que ça sorte, alors ça sort, quoi. Alors, je sais pas, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais bon, donc ils en disent quoi dans le livre ? Rien, enfin, ils le considèrent comme ayant fait partie de la famille au début, quoi, hein, parce que je pense qu'il en est parti assez rapidement, mais je me trompe peut-être. Il devait pas vendre assez de disques. Enfin bon. Visiblement, il y a quand même plusieurs périodes chez Tricatel, parce que le label a dû se casser la gueule plusieurs fois avant de renaître de ses cendres. C'est vrai que l'économie des labels, on sait ce que c'est, surtout quand c'est des choses, voilà, peut-être, enfin, quand je vais dire un peu pointu, on est peut-être plus dans le sens de niche que c'est pas non plus de la musique expérimentale ou savante, quoique Chassol. Mes parents adorent Chassol, hein, depuis qu'il est sur France Musique. C'est Chronique ou sa musique? Sur France Musique, là. D'accord, ouais, ses chroniques sont plutôt sympas. Sa musique, pour le peu que j'en connais, il y a un côté un peu Philip Glass ou Steve Reich en mode un peu plus électro, voilà, donc c'est loin d'être inintéressant. C'est vrai que ça m'a permis de me replonger un peu, enfin, ou de me plonger tout court dans certains trucs, hein, que je connaissais pas plus que ça musicalement. Là, tu vois, par exemple, Catastrophe, j'ai dû les voir une fois ou deux à la télé ou peut-être les entendre à la radio. Bon, et bah, c'est intéressant et en même temps, il y a toujours un côté super limite. Tu te demandes s'il n'y a pas un côté un peu Starmania de 2021. Enfin, voilà, il y a des parties pris esthétiques chez, chez Tricatel. Qui sont pas inintéressants, mais voilà, moi, l'album de Houellebecq, par exemple, je m'étais permis de passer assez largement à côté. Tu parlais d'une espèce de connivence avec la critique, et c'est vrai que le bouquin peut poser cette question-là, dans le sens où il est écrit par Jean-Emmanuel Deluxe, qui a collaboré, je crois, à Gonzaï.com, voilà, que je sais que tu apprécies, mais aussi à Rock'n'Folk. Comme par hasard, c'est vrai que la préface est signée Manœuvre. Comme par hasard, Rock'n'Folk était super fan des Shades, voilà, qui m'ont jamais trop branché non plus à l'époque où ça sortait, à la fameuse époque des baby rockers. Burgala écrit lui-même de Rock'n'Folk, donc il y a un côté on est potes, c'est une grande famille, donc c'est assez cool. Dans un sens et dans l'autre, bon bah. Le livre, sans être inintéressant, c'est un objet, je pense, qui n'a pas demandé énormément de boulot. Enfin, j'ai pas cette impression-là, quoi. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, tu vois, il y a plusieurs rubriques. Enfin, t'as une espèce de rubrique avec Burgala qui commente très succinctement, mais quelques albums de la discographie du label. T'as un autre truc où ce sont plutôt les graphistes et les artistes graphiques ayant collaboré au label qui s'expriment. C'est finalement peut-être un des trucs les plus intéressants. Voilà, donc effectivement, pour 3€, c'est pas mal. Ça m'a pas permis de trancher, de savoir si définitivement j'aimais bien Tricatel et Burgala et sa clique. Je pense que ouais, on pourrait faire un débat sur ces objets que sont les livres musicaux de ce genre-là. Sans intérêt. Parce que je trouve qu'ils souffrent peut-être, ils sont peut-être nombreux à souffrir un peu des mêmes défauts, des mêmes avaries, quoi. Non mais ça on pourrait. Enfin, je me suis posé souvent la question sur les 4 années précédentes dans l'émission, parce que c'est des livres que j'aime bien, enfin que j'aimais bien. J'ai un peu déchanté. J'aimais bien lire des livres sur la musique, un peu tous azimuts. Et en fait, il y en a tellement qui sont sortis et tellement. J'étais tellement content qu'ils sortent. Et quand je les ai lus, j'étais tellement déçu. Et puis au final, voilà, ils sortent un peu tout. Ça me fait quand même un peu penser à ces livres qui sortent sur. Ben, par exemple, à Starlight, il va y avoir des livres sur BTS, pardon, le groupe coréen. Oui. Bah là, c'est un petit peu le même délire, mais sur un groupe, sur un label un petit peu plus pointu, quoi. Mais un petit peu plus pointu et qui se regarde dans la glace et qui trouve qu'il est beau, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu Benjamin Biolay en label, quoi. Enfin, moi, je trouve. Mais bon. Bah, pour aller un peu dans ton sens, bon, moi, je suis un peu susceptible sur tout ce qui est Cocorico, etc. Donc, effectivement. Je partage tes doutes concernant certaines idées politiques qu'a pu avoir Burgala, parce que bon, ils n'en font pas état tant que ça. Et je suis allé faire un tour sur le site de la Maison Cocorico là pour savoir un peu de quoi ils parlaient. Et clairement, c'est une collection en fait d'un éditeur qui doit s'appeler Huggin & Munin ou quelque chose comme ça. Et Maison Cocorico en fait, c'est une collection à l'intérieur de ce truc-là. Quand tu regardes les autres collections, bon bah t'as le livre des baguettes d'Harry Potter, enfin ouais. des trucs dont on se fout, quoi. C'est t'achètes ça pour les fêtes, voilà. T'as des romans aussi à base de Ant-Man, enfin des trucs qui font super ouais, envie, quoi. C'est déjà étonnant qu'ils aient pu se faire éditer, quoi. Enfin qu'ils soient édités dans un truc comme ça, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà. Très bien. Bon bah on va faire une deuxième pause musicale. Je n'avais pas de disque de Tricatel, alors j'ai trouvé un autre truc à mettre en lien avec. Enfin, un truc qui me fait penser à Tricatel, mais en bien. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Little town of La Ia. star, all I can say is sur Radio Dio, c'était le morceau Ovlar I de Dorian Pimprenel. On est toujours dans Qui ou Quoi, sur la première émission de la cinquième saison de Qui ou Quoi. On vous parle de livres de musique. Je dis on parce que pour une fois, je ne suis pas tout seul, Axel et Benjamin. Donc on est parti sur la troisième partie de l'émission. Tu m'entends toujours, Benjamin ? J'entends toujours. Très bien. Alors au tout départ, j'étais parti sur pour parler du livre du Hellfest. J'en avais parlé au tout début de l'émission, mais il se trouve que on a été bien long. Là, on est en train un peu de dépasser. Enfin, je pense qu'on va dépasser. Donc, je vais faire très très très très très court. Parce qu'en fait, c'est un livre pareil qui m'est tombé des mains. Je vais pas rester. En fait, je vais profiter plutôt du livre du Hellfest pour faire de l'autopromo. Il se trouve que j'avais encore envie de vous parler du Hellfest. Je vous avais parlé du Hellfest il y a longtemps, dans une vieille émission, du livre de Lelo Jimmy Battista, le journaliste et écrivain. Qui avait fait un livre sur le Hellfest et qui était pareil, une grosse hagiographie, genre le Hellfest c'est trop bien, on est tous des potes et même quand il pleut c'est super, les groupes sont beaux, tout le monde est beau, ouais, des fois il y a un petit peu de boue, mais même quand il y a de la boue, même la boue est belle, enfin bon, vraiment un truc un peu bon, qui était sympa à regarder, mais un peu lourd à porter, quoi. Et donc, ce nouveau livre du Hellfest, là, de Cédric Cyr, et j'ai même oublié le deuxième qu'il a écrit, qui s'appelle cette fois Hellfest, le festival raconté par les groupes, il a les mêmes problèmes que le livre de NTM, quelque part. C'est des photos de groupes sur scène. Bon, alors on se demande pourquoi la nuque longue, pourquoi ce genre d'habit. Et puis des interviews d'une page par groupe qui disent ouais, c'est super, j'ai joué au Hellfest. Donc vraiment, ça m'est un petit peu tombé des mains, même si, genre, c'est un bon livre de toilette, quoi. Ça, c'est pas. C'est vraiment pas gentil de dire ça. Mais quand je dis que je fais de l'autopromo, c'est qu'en fait, il se trouve que grâce à Internet, eh ben, vous pouvez retrouver l'ancienne émission où je parle du livre du l'autre livre du Hellfest dont je vous ai parlé, de Lelo Jimmy Battista. Voilà. En fait, donc pour faire court, Ben, là, sur la dernière partie, en plus de l'auto-promo, on peut un peu partir tous azimuts à partir des livres qu'on a lus. D'accord ? Ouais. Je prends l'émission préparée, ça, hein, fais attention. Oui, oui. Moi, j'ai préparé un petit peu. Surtout suite à ce dont on a parlé. Donc, toujours dans l'auto-promo, je renvoie les auditeurs à tous les anciens podcasts de l'émission parce qu'au final, en rapport avec le livre de NTM, j'ai parlé de pas mal de livres sur le rap. Et à chaque fois que j'ai trouvé un peu pas terrible, enfin, surtout un, c'était une des premières émissions que j'ai faites ici, où c'était la biographie du groupe La Rumeur, qui était vraiment pas terrible. Mais j'ai aussi parlé d'une BD qui est toujours aussi bien, qui s'appelle Hip Hop Family Tree, ça qui est très très bien, qui reprend l'histoire du début du hip-hop, où on découvre plein de choses. Et puis j'avais aussi parlé des 100 albums essentiels du rap d'Olivier Cachin, qui est un livre qui est plus édité, mais qui est quand même super pour justement se refaire un peu l'histoire du rap d'une manière générale. Donc je reviens pas dessus, mais ces livres-là sont bien. Il y a aussi dans les livres, je vous ai parlé de Mauvaise Réputation de Joe Starr tout à l'heure, qui est pas un grand livre parce que c'est vraiment pas, bon, c'est pas très très bien écrit, mais en tout cas c'est assez rigolo parce que c'était bien avant la Reformation, et comme j'ai dit, c'était un peu règlement de compte à Hockey Corral. Et justement, ce qui est rigolo, c'est quand tu le compares au livre d'NTM dont j'ai parlé tout à l'heure, bon, en fait, ça correspond pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Parce que Joe Starr arrête pas de dire qu'en fait, Cool Chain, c'est un gros branleur. Alors que dans le livre, ils arrêtent pas de dire que Cool Chain, c'est le plus travailleur des deux. Donc, voilà, il y a un truc où Joe Starr, il dit, moi, j'ai toujours été là à l'heure au concert. Et puis dans l'autre truc, ils disent, Joe Starr, il est jamais à l'heure. Enfin bon, donc il y a un truc qui va pas, quoi. Donc ça peut être intéressant de lire les deux, en fait. Ça, c'est pas mal. Et puis, je voulais finir sur les livres de rap. Enfin, pas finir, mais évoquer le livre de Rocking Squat, le chanteur d'Assassin, qui a sorti un livre qui s'appelle Chronique d'une formule annoncée, que je n'ai pas lu, mais qui est pareil, un grand et beau livre. Alors ben, maintenant, je redoute un petit peu, hein, à force de lire des grands et beaux livres qui me tombent des mains. En plus, sur celui-là, il y a une basket sur la couverture. Et bon, ça me fait un petit peu peur, parce que je vois pas le rapport avec Assassin. Mais bon, donc voilà. Et il reste, pour le coup... le meilleur livre de rap, il y en a un quand même, qui est chez Alia. Et en préparant l'émission, je me suis dit, Benjamin, que j'allais te forcer à le lire. Comme ça, on pourrait en parler ici, parce que là, pour le coup, on est sur vraiment un très très bon livre qui s'appelle Can't Stop, Can't Stop de Jeff Chang. Oui, qui est vraiment une référence. Ouais. Non, ben là, c'est d'un autre niveau, quoi. Parce que pour le coup, bon, je ne vais pas spoiler, puis je te le dis vraiment, on va vraiment faire une émission dessus. Il n'y a pas besoin d'être fan de rap pour le lire. Et ça parle de musique, mais ça parle énormément aussi de l'histoire des États-Unis, du contexte historique dans lequel tout ça s'est né, et de plein de choses, et surtout dans une jolie traduction et un bon gros livre somme qui est vraiment là pour le coup une grosse réussite. Voilà, c'est l'occasion d'en faire une émission, et je te le dis, c'est décidé, on en fera une. Parce que je sais que j'en avais jamais trop parlé, parce que je m'étais dit qu'il fallait que je le relise, et que bon, c'est quand même un gros pavé. Voilà, est-ce que toi, tu as d'autres trucs en rapport avec tout ce dont on a parlé ? Ben, écoute, j'aimerais en parler plus longuement, mais je peux peut-être mentionner les Amants d'Hérouville, une histoire vraie de Yann Mekelec, illustré par Romain Rongeau. Ouais. Qui est sorti l'année dernière. Ouais. Moi, j'étais un peu sceptique parce que c'est pareil, tu sais, ça sort un peu au moment des fêtes, etc. Donc, c'est une BD qui retrace la vie de Michel Magne et du Château d'Hérouville, qui a été un des plus énormes studios, on va dire, en termes de notoriété des années 70, parce que vraiment, il y a des groupes dingues qui y sont passés. Mais voilà, du coup, j'aimerais peut-être en parler plus longtemps, mais simplement, je voudrais dire que je vais vous demander si l'avenir du dessin musical va être un peu parfait. En tout cas, quand c'est réussi, comme je trouve que ce bouquin l'est, là, Les Amants d'Hérouville, c'est vraiment super, super sympa. Il y a effectivement le côté biographie, J'avais peur que ça soit une collection d'anecdotes, une succession d'anecdotes, et puis c'était pas le cas. Voilà, moi je peux conseiller la lecture de ce truc-là, en espérant peut-être voilà, pouvoir vous en parler plus longuement. Les Amants d'Hérouville, et je sais même pas chez qui c'est. En fait, on peut quasiment faire une. C'est très à la mode, Hérouville. Le château d'Hérouville est très, très, très à la mode. Oui, c'est ça. Ce qui m'avait fait un petit peu peur, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs trucs qui sont sortis dessus. Le château a été abandonné quelques temps, et puis il a été un peu réhabilité. Arte avait même, je pense que l'émission n'existe plus, mais avait organisé des rencontres musicales entre artistes dans ce château. Il y a 5-6 ans de ça, peut-être même moins. Mm-hmm. Donc effectivement, le côté un peu à la mode du château du Roux me fait un peu peur, mais je trouve que le truc est plutôt réussi. Le dessin n'était pas fait pour me plaire, et pour autant, je trouve qu'il colle bien avec son sujet. Enfin voilà. Bon. Et c'est chez Glénat. Non, chez Delcourt, pardon, édition Delcourt. D'accord. Bon. Eh ben, après ce superbe blanc. Donc si on n'a pas de... on va pouvoir clore cette émission plutôt. Donc cette première de la saison. Merci Benjamin. Merci à toi. J'ai pas de générique de fin cette année, il faudra qu'on en retrouve un. Donc là, pour le coup, en rapport un peu avec le Hellfest, on va finir sur un bon vieux Motorhead, comme on dit en Loire-Atlantique. À bientôt, bonne soirée, on se retrouve dans un mois, le premier jeudi, donc moi, c'est le premier jeudi du mois de janvier, donc ça va nous mener. Je me souviens pas bien de l'ordre. Donc le premier jeudi, c'est le 6 janvier 2022 pour une nouvelle émission de Qui ou Quoi. Et bon, d'ici là, bonne fête et à l'année prochaine.